Votre habit a craqué dans le dos, dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos, dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos, dans le dos. Oui, mon habit a craqué, craqué dans le dos, dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Ce sont là de nobles accrocs. Il pourrait attraper un rhume. Baron, tenez-vous au repos. Oui, mais son habit a craqué. Oh, bah, son habit a craqué. Vraiment, son habit a craqué. Oh, bah, son habit a craqué. Oui, il a craqué dans le dos. Comment son habit a craqué? Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Baron, tenez-vous au repos. Baron, tenez-vous au repos. Allons, baron. Oui, votre habit a craqué dans votre le dos. A craqué dans le dos, dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos, dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos, dans le dos. Oui, son habit a craqué, craqué dans le dos. Oui, mon habit a craqué.